1818, après plusieurs jours de travaux médicaux plus qu'audacieux, lors d'une nuit d'orage et d'une rare violence, Victor Frankenstein s'écria « Il est vivant! Il est vivant! » Sa joie était tellement intense que la raison n'avait plus sa place. Il venait de faire revivre un assemblage de cadavres humains initialement sans vie. Ce que Victor Frankenstein ne savait pas, et qu'il n'avait surtout pas anticipé, est que l'homme, entre guillemets, qu'il venait de construire de toutes pièces et faire renaître, soit Légion, serait aussi ce qui deviendrait sa perte. Ceci pourrait donc être interprété comme étant la triste ironie du Créateur et de la création. Ce que l'on crée devient plus grand que nous, et selon le cas, pourra tenter de nous surpasser, voire éliminer. Il y a 19 ans, presque jour pour jour, votre bon docteur, oui, c'est moi ça, mettait au monde cette émission métal Réanimation. Aujourd'hui, Réanimation est, je l'espère, beaucoup plus importante que son créateur, et je ne crois pas qu'elle se retournera un jour contre moi. Mais par contre, il y a un autre facteur ici, Sinistros, et je ne lui donnerai pas le diable sans confession. Voici la 19e année de Réanimation, et c'est pour moi. Et c'est moi qui devrais prier pour ne pas y survivre à ce pestilentiel gobelin médeux qu'est Sinistros. And fear is still our fucking business. We are Undead Incorporated because we said so again. Go! Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation, en ce 12 mars de l'an de disgrâce 2019. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h en compagnie de... Est-ce que c'est mon bras droit ou est-ce que c'est mon bras gros? Non, c'est définitivement mon bras droit, je ne m'en séparerai pas. Mon bras droit, bien sûr. Je te dirais plus, c'est peut-être la jambe gauche. Moi, tant que c'est pas celle du centre. Non, pas du tout. C'est Sinistros! Applaudissez-le, mesdames, messieurs! Hey, il y a foule ici ce soir, hein? Comment vas-tu? Ça va très bien, mais je sais que tu veux pas le savoir. Et non, tu t'en fous royalement. Au contraire, si je prends la peine de le demander, c'est que ça me tient à cœur. Oh. Allez, je recommence. Comment ça va? C'est pas j'en ai rien affaire. À foutre. C'est pas très affaire. Sinistros qui est fort heureux ce soir parce que c'est le deuxième mardi où la température est clémente. Ben, il se passe de quoi? Il y a quelque chose dans l'air. D'après moi, l'apocalypse s'en vient ou quelque chose. Oui, avec la fonte des neiges, on devrait être submergé. Peut-être que oui. Ce soir, c'est la métallographie Merciful Fate que nous allons vous présenter dans environ, je dirais, une vingtaine de minutes. Mais avant... Mais vous êtes bien mieux d'aimer ça, Merciful Fate, que vous allez vous emmerder royalement. Mais pourtant, Merciful Fate, je crois que tout amateur de métal devrait apporter un intérêt envers ce groupe. Peut-être. Ben moi, c'est mon opinion. Ben oui, moi aussi. T'sais, vous savez, avec notre étroitesse d'esprit que tout le monde connaît. Oui, définitivement. Il n'est pas plus ouvert que nous, je crois. Ouvert dans le vrai sens du mot, d'ailleurs. Oh oui, ouvert, d'ailleurs, ouvert, t'as encore des choses qui parlent de ton abdomen. Ah, ciel. C'est ça qui est arrivé à Montréal hier. Il y a un camion plein de... Oui. Parce que c'était des biens. Désolé. J'en ai d'autres, Star. OK, c'est bon. En ouverture de bloc, nous avons entendu à l'instant de Tampa, Florida, Morbid Angel. Et ce qui, selon moi, et je le dis humblement, est probablement une des pièces les plus accomplies de Trias Actot, soit Invocation of the Continual One, qu'on retrouve sur leur sixième album, Formulas Fall Out of the Flesh, qui est paru le 24 février 1997. Assez différent de ce qu'ils font. C'est une pièce à mouvement, c'est une pièce qui est évolutive, tout en restant dans le mot de Morbid Angel, mais celle-là, je trouve qu'elle est peut-être plus finement amené que bien d'autres. Et on a ouvert avec The Pollung Behemoth et Ceremony of Shiva, qu'on trouve sur la quatrième parution du groupe, soit Satanica, qui est paru le 25 octobre 1999 sur Avant-Garde Music. Album que je dirais... Est-ce que t'aimes Behemoth, toi? Oui. Est-ce que tu connais Satanica? Peut-être un petit peu. Redécouvre-le. C'est sûr que j'ai découvert Behemoth pas mal un petit peu après, là, avec Evangelion, Apostasie, Evangelion. Ouais. Redonne-toi la chance de redécouvrir Satanica. Tu vas peut-être l'entendre d'une oreille différente. Possiblement. Il est vraiment bien. Comme je disais ce soir en animation, nous n'avons pas de présentation de nouveautés. On s'est gardé ça pour la semaine prochaine. Ouais. Mais on a une métallographie de Mercyful Fate qui, tout de même, à elle seule, fait un peu plus de 36 minutes. On s'entend qu'il y a 9 albums. Hein? Ça va être 36 minutes. 7 albums. Oui, c'est ça. Non, mais compte pas sur moi pour limiter. C'est 7 albums. C'est une courte discographie. On a donc retiré une pièce par chacun des albums. Je crois qu'on va aller en pause publicitaire. On va en pause, après ça, on jase de mon bloc. On est obligé. Non. Bon, pour bouger le passé non plus. Hein? Non plus. Bon, on va passer à Mercyful Fate. On revient. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chroniques culturelles et sportives, actualités, arts, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Debout les hiboux est une présentation de Slam Disc, fier commanditaire de cette émission. La machine à remonter le tympan vous propose un voyage aux sources de la musique populaire tous les jeudis de 17h à 19h. Venez donc y prendre votre dose hebdomadaire de jazz et de roots. Le 7e Salon de l'Emploi Trois-Rivières-Bécancour aura lieu le 27 mars de 10h30 à 18h à la bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Plus de 2000 emplois seront disponibles et 115 exposants seront présents. Un service gratuit de photocopie ainsi que des experts en préparation seront sur place afin de vous aider à décrocher l'emploi idéal. Pour plus d'informations, allez sur www.salon-emploi.ca. N'oubliez pas le Salon de l'emploi virtuel du 28 mars entre 8h et 17h. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Nous sommes de retour, mais avant toute chose, il y en a un qui en a vraiment long à dire. Ça fait longtemps, hein? Ça fait très longtemps, Horace, oui. Hein? C'est très intéressant aussi, d'ailleurs. J'ai rien compris. Bon. Toujours est-il, Sinistros, que voici ton premier bloc de la soirée. Ben oui, un beau petit bloc un petit peu doux. Il faut que je te fasse remarquer quelque chose, toi. Oui, vas-y. D'après moi, et tu me corrigeras si je me trompe. Non, corrige-moi pas, j'aime pas ça. Non? Fais juste me dire si je me trompe. Depuis un certain temps, tu sembles avoir redécouvert une soudaine passion pour le doom et le stoner. Je n'ai pas redécouvert, mais... On dirait que tu as un attrait qui est revenu... J'essaie de varier les émissions en mettant... Fais plus ça. Je devrais faire ça. Non. Certain. C'est parce que t'en mets régulièrement. Je dis, d'après moi, il y a plus d'essence. J'aime bien le doom, mais tu sais, je veux comme... Où ce que mes blocs, ils vont être un petit peu plus... Plates. Ouais. Poche. Mollo. Pas mollo, ouais, mais... Écoute... Tu sais, tu me connais, ou ce que c'est. Malheureusement, oui. Super mission d'éduquer. D'éduquer les pauvres. Ah, t'es encore instigué de cette mission-là. Oui, toi. Oui, moi, j'ai oui, baissé oui. Les trois bras, ça fait longtemps. Même celui du centre. Oui. Non, mais ça, c'est peut-être une cause perdue. Définitivement, je te l'ai dit. Alors, tu commences, c'est pas grave. Je vais finir par avoir comme un curé du métal. Mais je pense que t'avais un oncle gobelin qui était missionnaire, toi. Peut-être que oui. Oh, ben non, je te l'affirme. Il était missionnaire. Il est mort cuit aussi. Il n'est pas à la bonne place du tout. Non. Mais vas-y quand même. Ben oui, on va avoir un bloc Doom encore une fois cette semaine. Ah non, je dis pas ça pour ça. Il n'y en a pas eu la semaine passée, remarque là. D'avant l'autre. Mais attends, j'ai fait du ménage dans toute ma discographie personnelle. Il y a de la petite flûte qui s'en vient. Non, j'en veux pas de ça. Non, t'oublies que c'est moi qui manie la console. Alors, on va avoir un bloc tout en lourdeur et en froideur et en noirceur. Ben, je crois avoir ça, là, oui. Avec une formation de l'Indiana aux États-Unis, sur ça, paraît-il. Oui, paraît-il. Wretch, avec un album qui s'appelle Wretch. Ben, arrête donc. C'est vraiment pété. Ils sont cassés la tête, hein? C'est sorti en 2016, mais c'est très, très bon. On aura deux grands classiques qui s'en viennent. Oui, oui. Cathedral et Heaven and Hell. Malheureusement qu'ils n'ont eu qu'un seul album. Oui, mais pourquoi Heaven and Hell? Parce que je voulais pas mettre de Black Sabbath, parce qu'on met jamais d'Heaven and Hell. Fait que je vais mettre du Heaven and Hell. Ah, ben, t'as bien fait. Moi, je trouve très bon, cet album-là. Oui, c'est excellent. Puis ça me tentait de mettre un petit clin d'œil à Dio. Oui. Peut-être que son hologramme va peut-être apparaître dans un speaker. Là, ben, je voulais pas te le dire, mais il était ça à l'arrière de toi depuis tout à l'heure. Oh, il me fait des devils en arrière. Ah, oui. Bon, ben, allons-y tout de suite, Wretch, avec Rest in Peace. Let's go. We'll catacombs of stagnation. First 19h46. Et devinez quoi? Vous êtes à l'écoute de... Réanimation! The Andel Incorporated Show. En compagnie de ce... Lui. Et l'autre. L'autre. Voilà. Ça, c'est moi et l'autre. Ouais, j'espère que c'est toi, Denis Filiatro. Non, ça, c'est pas ça, là. C'est pas ça? Non. Ça, c'est Symphorien. Ah, OK. C'est pas que je connais beaucoup ça, hein. Ouais, c'est comme le reste. On a entendu Heaven and Hell avec le premier album et le seul et unique, oui. The Devil You Know. La pièce était Bible Black, c'est paru en 2009 sur Roadrunner. Et pourquoi Heaven and Hell? Tout simplement parce que Sharon Osbourne a décidé, ben oui. a décidé que... Elle se répatriait le nom de Black Sabbath. C'est en plein ça. Eh oui. C'était très bonne pièce, hein? Oh, vraiment excellente cette pièce-là. Excellent album aussi. Cathedral, ouais. De Coventry en Angleterre avec la pièce Ride. C'est paru sur l'excellent The Ethereal Mirror. Yes. C'est paru le 1er février 1993 sur Columbia. Moi, j'aime beaucoup cette formation-là. Ouais, ben, au début, ça m'a pris du temps à m'habituer au Lidorian. Comme tout le monde. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu fais abstraction de ça, tu écoutes tous les riffs qui sont tout aussi bizarres, oui, finalement. Oui, oui. Tout fit. Là, c'est ben, mais c'est vrai, tout fit. Tout fit. Tu peux pas voir Cathedral avec un autre vocal que Lidorian. Non, non, non, ça me plaît ça. Puis quand tu penses que ce gars-là était avec Napalm Death au début, tu te dis, voyons, il y a quoi qui marche pas, là. Hey, on a commencé avec la formation américaine Wretch avec la pièce Rest in Peace. C'est paru sur le premier album éponyme qui est paru en 2016 sur Bad Omen Records. Voilà. Tiens, je vais aller faire ma chronique cinéma tout de suite. Ben, vas-y donc. Où ça? Ben, faire ta chronique cinéma. Ben, OK, je vais revenir tantôt. OK. Toi, tu vas au Fleur de Lys ou tu vas à l'eau? Ni l'un ni l'autre. Je mets plus les pieds dans un cinéma. Ça m'horripile, honnêtement. Parce qu'on se fait trois petits points. Ben, définitivement. Ça commence par faux, ça finit par ré. Ben oui, absolument. Je trouve que c'est honteux. Ben, en fait, c'est pas juste les cinémas qui font ça. Tout le monde fait ça. Ce qui m'écœure le plus, c'est quand t'arrives pour aller voir un film, puis que là, il est en 3D. Ah, oh, mais toi, c'est parce que t'as de la difficulté. Oui, non, c'est correct. Parce qu'il manque un œil, toi. Oui, hein? C'est ça. Il est dans le front. Tu sais, là, tu dis, ben. Je suis sûr que t'es ailleurs. Je vais garder mes lunettes pour la prochaine fois. Et ben non, ben non, ben non. Tu peux te ramasser avec quelqu'un qui va au cinéma voir les versions 3D toutes les semaines. Ils ont une méchante. Ils doivent avoir plus de lunettes chez eux qu'un optométriste. Ben, t'as l'avantage en sortant du cinéma, il y a une boîte pour les recycler. Je sais, oui. Non, mais c'est de l'arnaque, là. Oh, c'est de carrément de l'arnaque. Puis de toute façon. Moi, aller au cinéma, ce qui m'a... Autre chose qui me dérange le plus, là, c'est de pas pouvoir m'installer comme je veux. Ouais, c'est ça. Avoir les genoux dans le front, je déteste ça. Ouais. Faire pause, c'est très important pour moi. Oui. Bref. Donc, je vais prendre ma chronique cinéma immédiatement parce que ça fait quand même un certain nombre de semaines que j'ai pas pu la faire allègrement. Donc, parce qu'on était pressé dans le temps. Donc, ce qui est en salle actuellement, c'est Captain Marvel de film de Marvel. Ben, hein? Je sais pas. Je pensais que c'était un DC, moi. Mais moi, je me pose une question. Je sais pas. Je connais pas vraiment Captain Marvel. Moi non plus, dans ma tête, ce que j'ai vu, c'était un gars avant. Ben, Captain Marvel, non. Captain America, c'est une mélange. Non. Non, Captain Marvel, c'était vraiment une fille. T'es sûr de ça, oh, toi? Oui, il me semble oui. que j'ai vu des images de bande dessinée que c'était un gars. Ben, pas supposé. Ouais, je recule ça. Ouais, quoi qu'il en soit, c'est avec Brie Larson, Samuel L. Jackson et Jude Law. Donc... est-ce que c'est bon? J'en ai aucune idée. Mais je vais sûrement, comme le reste, me faire tenter puis le visionner éventuellement. Et on n'aura pas le choix parce que pas seulement que le Captain Marvel va bien apparaître dans le prochain Avengers, tu sais. Ben, il y a de sacrées bonnes ben, chances, hein? Oui, hein? Ben oui, c'est ça. Ils nous ont fait croire que tout le monde était mort, mais bon. Ce que j'ai visionné le week-end dernier, c'est un film pour lequel j'avais certaines attentes et que finalement, ben, j'aurais pas dû en avoir pantoute. C'est le film d'horreur Ghost House, qui m'en va être de Scott Tyler Crampton, James Landry Hébert et Mark Boone Jr. Sons of Anarchy, ça dit quelque chose? Oui. Bobby Elvis? Oui. C'est lui. D'accord. Qui raconte l'histoire d'un jeune couple qui s'aventure en Thaïlande pour des vacances et se retrouve hanté par un esprit maléfique après avoir touché une urne sacrée. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas pire. Il y a rien qu'après être touché, puis aller celle-là. Ben oui, mais tu sais, quand t'es curieux, t'es pas juste avec les yeux, hein. Ben, je marque comme chronique encore une fois un film d'horreur qui a été échappé, un mélange entre The Ring, The Grudge et d'autres titres du genre originalement asiatique, mais auquel la ligne directrice est maladroite ou plus ou moins définie. Et j'irais même jusqu'à dire que le déroulement, et principalement le dénouement, aurait pu être réglé pratiquement dès le début. Hey boy. Ah, c'était très décevant. Autre film que je m'étais fait conseiller par mon ami l'écureuil, Mortal Engines. L'écureuil. Oui. Film d'horreur, science-fiction, dont un des scénaristes, c'est Peter Jackson. Je me suis dit, c'est inspirant, Peter Jackson, quand même. Pourquoi pas? Ben oui. Qui raconte l'histoire des centaines d'années après qu'un événement apocalyptique a détruit la Terre. L'humanité s'est adaptée pour survivre en trouvant un nouveau mode de vie. Des gigantesques cités mobiles. Ah. J'ai dit, c'est original, c'est intéressant. C'est pas vilain, graphiquement. C'est quoi le titre? Mortal Engine. Engines. Graphiquement parlant, et au niveau des effets, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau, là. Mais par contre, c'est un petit peu décousu, puis ça nous fait perdre un peu le fil à certains moments donnés, voire décrocher. Malheureusement. Par contre, un film auquel je me serais attendu d'être vraiment une sainte cochonnerie et qui s'avère être vraiment un petit truc fort intéressant, c'est Hellfest. Je parle pas du festival en France, là. Je crois pas avoir les moyens d'aller voir ça. Ouf. À moins que tu me le payes. Tu... Non. Non, OK, bon. Mais j'ai pas les moyens d'y aller. Ben, trop gratuit pour ça, moi. Oui, fais ça. Je conçois allègrement. Ça pique tout le temps, tu sais, mes plaies, là. Oui. Oh, j'ai une torche ici. On va cotériser ça tantôt. Je suis purulent. Oui! Qui est un film d'horreur avec des illustres inconnus, mais qui raconte l'histoire d'un parc d'attractions gigantesque en pleine ville, urbain, qui est un parc d'attractions horreur. Mais la thématique n'est que l'horreur. Et c'est vraiment hyper capoté. Et c'est une jeune fille qui revient dans son patelin pour ses vacances, qui revoit ses anciens potes et qui décide d'aller passer la soirée là pour babocher et s'amuser, quoi. C'est une histoire de slasher, mais qui est vraiment originale. Vraiment originale. Et seulement pour le décor. Tout le monde souhaiterait d'avoir un parc d'attractions comme ça dans sa ville, là. Seulement pour le décor, ça vaut la peine. Hellfest est un film qui est très original, qui est fort divertissant et qui rafraîchit un peu, le côté d'intérêt d'horreur qui, pour moi, devient de plus en plus saturé, honnêtement, mis à part les classiques, bien entendu. Autre truc, eh bien, la deuxième partie de la saison de Vikings. Tu l'as vu? Oui. Comment t'as trouvé? C'est génial. C'est très bon, hein? Ouais, j'ai hâte. La saison en entier est bonne, hein? Oh, c'est vraiment pour moi, c'est la meilleure. Tu sais, on s'entend-tu qu'il est débile, hein? C'est un fou furieux. Fou, c'est un fou furieux. Et c'est une série... une saison extraordinaire et elle finit sur une note qui m'a enragé, mais je sais qu'il va y avoir une autre sixième, fait que on va peut-être pouvoir s'en prendre. Oh, ben c'est ça, dans le fond, on va avoir la grande finale, là. Je l'espère, parce que je trouve qu'il s'en tire encore à bon compte. Mais oui, très très bonne saison. Voilà, c'est tout. Mais historiquement, oui, il s'en tire en très très bon compte. Ben, il a gouverné. Oui. Mais pas si longtemps que ça. Pas longtemps. Non. Ben, écoute, agir comme ça, tu peux pas espérer d'avoir un règne très long, hein? Et non. Tu peux terroriser sur le moment, mais tu dois t'attendre à ce que l'ascenseur revienne tôt ou tard. Ben, il y avait pas d'ascenseur à cette époque-là. Non, et c'est pour ça que ça fait encore plus mal. C'est ça. Il peut tomber du 8e, pas d'ascenseur, ça risque de t'aplatir un petit peu. On va aller en pause Sinistros pour débuter cette métallographie. ASK est fier de présenter son show d'humour pour la session d'hiver 2019, Sugar Sammy. Nous sommes très heureux de pouvoir l'inviter à l'UQTR le 20 mars prochain. Prenez note que ce spectacle est offert seulement pour les étudiants de l'UQTR. Vous pouvez vous procurer votre billet sur lepointdevente.com. Ce lien est disponible sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi vous le procurer en personne au local de l'ASK, le 1085 Pavé. Nous attendons en grand nombre. C'est un spectacle à ne pas manquer. Côté chez Slamdisk, Octoplot. Écoutez le deuxième album d'Octoplot. Le démon normal, Octoplot. Octoplot, c'est tout niveau, il y a des émotions puis des passes élevées. Octoplot, disponible maintenant partout. Édition vinyle rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. What? L'Association des étudiants en psychoéducation vous invite à la 5e édition de l'événement « Le communautaire, c'est salutaire » qui aura lieu le 14 mars 2019 entre 14h et 19h. C'est l'occasion parfaite pour rencontrer divers organismes, faire du réseautage et obtenir des opportunités de bénévolat, de stage ou d'emploi et même du café gratuit. Le communautaire, c'est salutaire, se tiendra au 1060 rue Saint-François-Xavier à Trois-Rivières, dans les locaux de Concept. de palmarès. 19h56 et je t'annonce que nous sommes cette semaine dans les temps. Ben c'est bien, c'est bien. Oui. On est vraiment bon. Hein? Ben on est mieux qu'on était. On s'améliore tranquillement. Mais ça va-tu rester, je sais pas. Ben non. Définitivement pas. On peut pas faire ça. Métallographie, cette semaine, s'adresse à... Ce mois-ci, s'adresse à une formation danoise. Et je parle pas des petites galettes... Ni des chiens non plus. Merciful Fate, avec à sa tête le célèbre, tristement célèbre, King Diamond. Tristement célèbre? Mais pourquoi tu dis tristement célèbre? King Bendix Peterson, de son vrai nom. Bon. Pourquoi tu dis qu'il est tristement célèbre? Ben avec un nom de même, je serais triste, moi. Non, je pense qu'il est célèbre. Mais semble-t-il, par contre, que c'est quelqu'un qui est un peu imbu de lui-même. Mais ça se pourrait très bien. Ouais. Mais bon. C'est pas grave. Musicalement, on s'en fout, hein? Ben, moi, je m'en fous de pas mal tout. Je me fous pas mal de toi. Moi, si c'est pas Yngwie Malmsteen, je suis correct. Ça, on veut pas ça. On veut vraiment pas ça. Non. Eh bien, mes choix. Mais attends, faut dire que la formation a vu jour en 1981, n'est-ce pas? Et qui est actuellement on hold. Donc, le statut n'est pas déterminé, vraiment. Dans le fond, parce qu'il y a King Diamond qui a beaucoup plus d'albums comme Merciful Fate. Ben, bien sûr. Puis il fait du Merciful Fate avec King Diamond. Puis il y a certains membres de King Diamond qui ont joué dans Merciful Fate. Oui. Mais elle n'est pas définitivement terminée. Formation de heavy metal. Mais très original. Ben oui, moi, ça rentre dans la lignée des Hell, des... Pour moi, le Satan et compagnie. Ouais, c'est très marquant. Pas symphonique, mais tu sais... Symphonique peut-être pas à ce point-là, mais pas loin par moment. Non, pas loin de classique, là. Tu sais, les deux guitaristes, là, Sherman, puis l'autre, je me rappelle plus son nom. Là. Hank Sherman et l'autre, c'est, je vais te le dire... Mike Weed. Ben oui, qui est là pour 96. Le guitariste original. Original, je vais te dire ça. Je vais te dire ça. Ben, j'oublie son nom, là. Michael Danner. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Eux autres, ils ont fait un band, tous les deux, Danner and Sherman. Oui. Puis ça ressemble beaucoup à du Merciful Fate. Oui. Formation extraordinaire qui, moi, m'a marqué et qui est encore fait partie, parce que je suis plus vraiment un amateur des metal, tu le sais, mais qui fait partie des trucs que j'écoute encore assez régulièrement. C'est des classiques, c'est tellement bien fait. Puis, c'est excellent. Alors, allons-y avec quatre pièces. Toi, t'as pris la première partie. Ben oui, veux pas, je t'ai comme shifté là-dessus assez rapidement. Ça me dérange pas parce que moi, je trouve de quoi intéressant dans tous les albums. Oui, ben c'est tout bon. Je commence par le premier mini-album. Il y a pas beaucoup de monde qui connaît. Qui s'appelle le Merciful Fate EP. Mm-hmm. Avec une pièce qui s'intitule Nuns Have No Fun. Donc, je me demande pourquoi d'ailleurs. Ben, je sais pas, moi, j'en aurais du fun avec eux autres. Mais pas moi. Ben oui. Non. Pas les vieilles, là, toutes les jeunes. Ben, il y en a pas de jeunes. Peut-être que dans le temps, il est romancé jeune. Ben, peut-être que dans le temps, oui. Écoute, là. Tu sais, on parle de quand même 1982. Là. Il était jeune dans ce temps-là. Tu penses qu'il y en avait encore beaucoup qui portaient le voile à cette époque-là? Je sais pas. Ça paraît que tu sais pas. Laisse-moi donc dans mes fantasmes. Non. Ça sera suivi de l'album Melissa. Ouais. Avec Tears of the Pharaoh. L'incontournable Melissa. Et Don't Break the Oath. Oui, ne brise pas l'avoine. Ne brise pas l'avoine. Avec la pièce Come to the Sabbath. Et on terminera ça avec In the Shadows, avec la pièce d'ouverture d'album Egypt. Exact. Ce sera la première partie de cette métallographie qu'on va débuter à l'instant. Ben, vas-y. Choix de Sinistros. Go ahead. We'll be right back. Il est 20h19 et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation et Undead Incorporated Show en compagnie de Sinistro. C'est moi-même, votre bon docteur Pain Pendragon. Première partie de cette métallographie Merciful Fate qui étaient les choix, en fait, de Sinistro. Ben, dans le fond, c'était pas réellement des choix. Ça y allait. Ah, t'es surpris au hasard. Celle-là, puis... Ah, pas celle-là. Ben, t'as été chanceux, ça a donné assez bien. Pas pire. Oui. Même les mix, oui. Non, mais quand on a décidé de faire ça, j'avais pris de l'avance un petit peu. Fait que j'ai commencé à faire la présentation et la playlist, si vous voulez. Mm-hmm. Et ça a donné que c'est moi qui ai choisi les premières pièces. Non, c'est pas vrai du tout. Tu t'es imposé à prendre les premières pièces. Ah, je me suis imposé, d'accord. Oui, c'est ça. Comme la majeure partie des métallographies, je me ramasse avec les restants. Ah! Non, je t'ai, pas dans le cas présent. Je t'ai même laissé le choix dans Accept, parce que tu connaissais pas beaucoup ça. Je t'ai laissé le choix de prendre des bonnes affaires au début. Non, ben c'était pas bon. Du coup, je me suis ramassé avec la scrap après. Ben écoute, non. Dans ce cas-là, Sinistros, on est pas mal à l'arme égale, parce que pour moi aussi, c'était pas mal de la scrap. Alors, on a entendu Egypt, qui était paru sur Rhythm of Shadows, le 22 juin 1993. Troisième album. Mais troisième album du groupe 10 ans après la sortie de Don't Break the Hold. Ben oui. Ben, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est que entre ça, il y a eu des albums de King Diamond. Ben oui. Alors, on a eu Come to the Sabbath qui est apparu sur Don't Break the Hold, qui est paru le 7 septembre. The Hold. L'Avoine. Oui. 1984 sur Road Runner. On a eu Curse of the Pharaohs. C'est paru sur Melissa, qui est paru le 30 octobre 1983, également sur Roadrunner. Et premier EP, le Merciful Fate EP, avec la pièce Nuns Have No Fun. C'est paru en 82 sur Rave On. Ouais, le 8 novembre. Je pense que définitivement, on va aller en pause publicitaire. Allons immédiatement. En pause et revenons en force avec Merciful Fate Part 2. Exact. La 13e édition d'Université en spectacle se tiendra le samedi 30 mars prochain, dès 20h, au cabaret de l'Amphithéâtre Cogeco. Ce spectacle met en scène plusieurs artistes venus de plusieurs universités du Québec. Il en coûte 15$ pour la communauté étudiante et 20$ en admission générale. Billets en vente au kiosque près de la cafétéria ou sur amphithéâtrecogeco.com. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chronique culturelle et sportive, actualité, art, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Debout les hiboux est une présentation de Slam Disc, fier commanditeur de cette émission. Audiomatique avec les sonoristes. Tous les mercredis à 17h. Les amateurs de métal sont conviés au rendez-vous de Subversion, le Metal Show, tous les deux vendredis du mois à 22h. Moi-même, DJ Tower of Death me donne le mandat d'honorer 5 décennies musicales pour des subversives, des fondations du métal traditionnel jusqu'à sa forme la plus extrême. Sur Sifo 89.1 du côté gauche, la bande FM en Mauricie. Fou de musique du monde. Sifo 89.1. Tu sais une chose, Sinistro? Bon, tu t'en savoir plus qu'une, j'imagine. Je t'en sais pas du tout. T'en sais pas? Ben, je vais t'en apprendre quelques-unes de fort intéressantes. Lorsque j'ai découvert Merciful Fate en 83, excuse-moi, avec Melissa, j'ai été très... J'ai été subjugué par cet album-là. Et je me suis dit, ben, j'espère que le groupe va perdurer puis que les prochains albums vont être à la hauteur. Ça avec Don't Break the Oath, qui était vraiment très bon aussi, ben, qui est encore très bon. Par la suite, je me suis dit, ben, probablement que l'essence principale est déjà passée comme bien des groupes. Tu sais, quand on sort un super bon album, un premier très bon album, la barre est très haute, c'est très difficile de récidiver à la même qualité par la suite. Ce qui n'a pas été vraiment le cas avec Mercyful Fate. Oui, ça s'est dilué un petit peu par la suite parce que, bon, il y a eu un désintérêt du groupe par King Diamond pour faire son propre groupe à son nom. Il a mis avec ses musiciens plus l'énergie vers King Diamond que Mercyful Fate, sans faire mourir Mercyful Fate automatiquement, ce qui est encore pas le cas d'ailleurs, mais ça a paru dans la discographie de Mercyful Fate. Mais il reste une chose, c'est que je suis incapable aujourd'hui de dire qu'il y a un album de Mercyful Fate que je n'aime pas. Ah, c'est bien. Ouais. Je leur trouve peut-être certaines faiblesses, je leur trouve peut-être d'autres, certaines forces par rapport à... Donc, il n'y a aucun album qui est pas bon. Je ne trouve pas qu'il y ait aucun album qui soit pas bon. Je dis pas que ce sont tous des albums excellents, mais je trouve pas qu'il y ait aucun album qui soit à négliger dans la discographie. Ce qui est une bonne chose, compte fait qu'il y en a, il y en a seulement 7, incluant le premier EP. Ça aurait pu être poche un peu de dire que sur, mettons, 6 albums pleinement studio, qu'il y en ait seulement 3 de bons. Effectivement. Mais c'est pas le cas. Et moi, je me dis que Mercyful Fate est une des formations qui aura probablement été le plus influent dans le monde du métal pour, à bien des niveaux, pour beaucoup de groupes et a ouvert la voie à beaucoup de choses en ce qui concerne l'évolution métallique pour prendre, pour pas, plutôt ne pas reprendre ton terme de spécial mensuel. Je vous propose la deuxième partie de cette métallographie qui s'adresse au 4e, 5e, 6e et 7e album de Mercyful Fate, soit dans l'ordre Time, qui est paru le 25 octobre 1994, Into the Unknown, qui est paru en 85, soit le 20 août, Dead Again, le 6e en 98, soit le 9 juin, et le 7e qui porte ironiquement le nom de Nine, qui est paru le 15 mai 99. On débute avec Witch's Dance, métallographie Mercyful Fate. Let's go! Yeah! Well, 20h45, ce qui clôt cette météorographie du mois de mars, qui était consacrée à Mercyful Fate, à sa formation de Copenhagen, au Danemark, qui a fait la pluie et le beau temps, et qui encore aujourd'hui, je dois dire, est la assez... La pluie, le mauvais temps. Et le mauvais temps, bien sûr, on l'entend d'ailleurs, le mauvais temps actuellement. Qui, je dois dire, qui doit être encore très significatif pour plusieurs metalheads. On vient d'entendre de leur 7e album, Nine, la pièce The House on the Hill, qui est parue le 15 mai 99 sur Metal Blade, juste avant The Night, tiré de Dead Again, qui était leur 6e album, paru le 9 juin 98 sur Metal Blade également. C'est toute une séquence Metal Blade, celle-ci. Précédé de The Invited Guest, qui est tiré de leur 5e album, Into the Unknown, qui est paru le 20 août 96. Et à l'ouverture de bloc, Witch's Dance, tiré de Time, 4e parution de la formation, paru le 25 octobre 1994. Bref, ce fut pour moi un plaisir de faire cette météorographie. C'était excellent, excellent. C'était vraiment très, très bien. Avant de poursuivre avec Sinistros, on va aller en pause publicitaire. ASK est fier de présenter son show d'humour pour la session d'hiver 2019, Sugar Sammy. Nous sommes très heureux de pouvoir l'inviter à l'UQTR le 20 mars prochain. Prenez note que ce spectacle est offert seulement pour les étudiants de l'UQTR. Vous pouvez vous procurer votre billet sur lepointdevente.com. Ce lien est disponible sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi vous procurer en personne au local de l'ASK, le 1085 Pavé. Nous attendons en grand nombre. C'est un spectacle à ne pas manquer. Nouveauté chez Slam Disc, Octoplot. Écoutez le deuxième album d'Octoplot, le démon normal d'Octoplot. Octoplot, c'est tout niveau, il y a des émotions puis des pensées élevées. Octoplot, disponible maintenant partout, édition vinyle rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. What? L'Association des étudiants en psychoéducation vous invite à la 5e édition de l'événement « Le communautaire, c'est salutaire » qui aura lieu le 14 mars 2019 entre 14h et 19h. C'est l'occasion parfaite pour rencontrer divers organismes, faire du réseautage et obtenir des opportunités de bénévolat, de stage ou d'emploi et même du café gratuit. Le communautaire C'est salutaire se tiendra au 1060 rue Saint-François-Xavier à Trois-Rivières dans les locaux de Concept. De palmarès. 89.1. L'émission s'achève, mon cher Sinistros. Eh oui. Quand je dis cher, c'est le prix que tu coûtes, là, mais bon. N'oubliez pas, cette semaine, pour les vrais amateurs de vrai rock, ici même à C'est fou dès 11h, rock classique avec notre ami le rockmaster Alain Lefebvre, qui présente cette semaine le 3 pour 1, l'incontournable 3 pour 1. Notez que le 22, soit vendredi de l'autre semaine, c'est la deuxième partie du spécial 79 auquel je participerai. Et aussi, notre ami DJ Tower of Death et Subversion, qui est présenté sur SoundCloud à tous les deux vendredis et ici à C'est fou. À tous les deux vendredis aussi. Tous les vendredis, tout de suite après réanimation, le vendredi soir. Donc, pour les amateurs de rock et de metal, le vendredi, c'est une bonne soirée. Oh oui, c'est ça. C'est une bonne journée et soirée. Et le blog de Sinistro sur lamort.com qui nous raconte une sorte de sornette. Encore, j'ai lu ta dernière chronique, c'est ridicule. La chronique de? Ben, je sais pas. OK. Je l'ai pas lu. Je t'en souviens même pas. Hurlamort.com. Non, c'est vraiment... Je dois dire que Sinistro, c'est une belle plume. Une plume de faisant. De faisant. Je dirais pas jusque là. Je dirais une plume de poule. De malfaisant. Voilà. la semaine prochaine, Sinistros et moi vous présenterons les albums marquants. Oui. Non. La Mechanical Surgery, au plaisir de tous. Retrouver nos segments industriels. La semaine prochaine, ça va être cool. Oui, ça devrait être bien. Ouais. On a aussi deux nouveautés, soit respectivement Sinistros. Candlemass avec The Door to Doom. Effectivement, et moi je vous présente le nouveau Misery Index qui s'appelle Ritual of Power, que j'ai beaucoup aimé. Ben, tant mieux pour toi. Ben oui. On va se laisser sur un dernier bloc de Sinistros. Un petit bloc tout en progression. version progressive black metal. Ben oui. Plus progressif que black metal, finalement, avec Arcturus et Bok Nagar, dans lesquels on retrouve ICS Vortex, qui joue entre autres dans Dimmu Borgir et un paquet d'autres. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et dans Bok Nagar, ben Bok Nagar, que Winterstorg vient d'annoncer qu'il quittait la formation. Ah oui? Parce qu'il n'y a plus le temps. Ah, oh, ben ça, je comprends ça. C'est des choses qui arrivent. Je comprends tellement. Alors, ça. Alors, on va entendre des pièces d'Arcturus. Ça va être Crashland, c'est paru sur Arcturian le 8 mai 2015, sur Prophecy Productions. Et Bok Nagar avec Winter Cry, sa pièce titre de l'album, qui est paru le 22 janvier 2016 sur Century Media. Sur ce, allez tous vous faire foutre. See ya. picture, cast of the future.